Le journal internet sud-coréen Tongil News fait savoir que l'association de la révolution d'avril en Corée du Sud a tenu le 18 à Séoul un meeting commémoratif des 57 ans du soulèvement populaire du 19 avril et lancé un manifeste. Les orateurs ont souligné que l'esprit du 19 avril des jeunes étudiants qui s'étaient dressés il y a 57 ans contre la dictature et l'injustice et pour mettre à bas à main nue le régime dictatorial de Sun Man Lee continue et se perfectionne. Ils ont prétendu que la révolution à la bougie doit s'orienter vers le changement du pouvoir, l'amélioration des rapports sud-nord et la liquidation des abus. Par ailleurs, le bureau de porte-parole du Parti pour la restitution et le bien-être a publié le 19 un commentaire demandant de continuer l'esprit de la résistance du 19 avril pour créer un monde nouveau avec l'esprit de la résistance à la bougie.